hélice. Astrojet, whisper jet, clipper jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les peaux, aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie qui venait de partir. Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus où je suis rendu. Y'avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient du ballon. Dans le vent, c'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus, qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, je suis rendu à dos du chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus. Je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Allez là, que j'avais.